But if I catch you at 33, like I don't have to like you only now. I'm the dummy one piece got you. Better down, tell them I know. Now you're so on a body's down. Anyway, I took with the weather around. Gonna shake, gonna make it go. On the rock shop, rock it, it's a neighborhood. Baba, baba, baba, baba. Diggy, diggy, diggy, pound.

Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à toutes, voici l'heure, il est 13h passé de 30 minutes, et bien voici le retour avec tous les dimanches, et bien l'accordéon. Voilà, au cours début d'émission, on a pu débuter avec un morceau portugais, c'est simplement pour signaler que la sœur, la chanteuse, sera présente tout simplement, et bien au parc le Nirol le 2 juillet. Voilà donc, voilà. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée et puis vous allez continuer de passer un excellent après-midi avec l'accordéon. Donc ben, je vais vous laisser valser et puis juste après le tango. Donc deux titres de valse et puis un titre tango, puis on se retrouve juste après. de l'ouvert Dieu font chanter nos accordéons. Quand les beaux jours enfin reviennent, elles font refleurir nos chansons. voici donc la Java et puis juste après le passe-double. roi du drame. Oh, c'est dangereux, bien sûr. Le roi de la reine, quand il s'en donne la peine, c'est mieux que la vraie corrida. Voici donc la guinguette avec la tarentelle. Et voici donc, je vous laisse avec du Madison.

esquerda ao pensar, e o imigrante vai à luta para a sua vida levantar. Passa uma vida a trabalhar por amor à família, com a cabeça levantada, nunca perde sua resília. Leva uma vida amargurada, faz da vida uma bíblia, para os seus não faltar nada. We'll be right back. titre différent et c'est du boléro. Thank you. retour avec un morceau de Vals et puis juste après du Paso Doble. À sa manière, s'aimer des milliers d'amants. Dans les balles et sur les places du Capitole et d'ailleurs, jouant de toute sa classe, toujours noble et grand seigneur. Il s'est endormi, l'accordéoniste, laissant en sommeil sa grande maison, le parc muet. Les allées sont tristes, on ne danse plus sous les frondaisons. Il s'est endormi, l'accordéoniste, bercé par les airs de mille chansons, condamnées par lui, là-haut, sur la piste, dans le paradis des accordéons. Sur les routes et sur les ondes, on ne rencontrait que lui, dans d'interminables rondes, sous le soleil ou la pluie, faisant chanter la nature, la province et les ruisseaux, fade au sol à l'âme mature pour la chanson des oiseaux. De l'aqueda, il repose sous la pierre d'une ce vaillant soldat qui de toutes ses campagnes a vécu celle de l'amour dans ce midi de Cocagne jusqu'à la fin de ses jours. Il s'est endormi, l'accordéoniste, laissant en sommeil sa grande maison. Le parc est muet, les allées sont tristes, on ne danse plus sous les frondaisons. Il s'est endormi, l'accordéoniste, bercé par les airs de mille chansons, redonnées par lui, là-haut, sur la piste, dans le paradis des accordéons. Thank you. voici donc, oui, c'est la fin du Passe Noble, puis juste après, la Fiesta. Soyez plus.

arc-en-ciel est un beau triste miel. Écoutez la samba du soleil qui vous met de la joie au réveil. Arc-en-ciel. Voici un autre morceau de Madison et puis juste après la musette. danse qui danse bien en cadant. On voit leurs yeux qui pétillent sous le soleil de la folie. La joie emporte les veines sur la plus folle des bandons. Car si bien la tarentelle qui est la reine de campagne. Ce soir dans les dancing, la tarentelle se danse en ligne. Ou aussi sous les lampions, la tarentelle se danse aussi en rond. C'est avec beaucoup d'adresse, mais aussi avec beaucoup d'allégresse. Pour doubler tous les soucis avec la tarentelle de la folie. Allez-vous emporter par cette danse, laissez-vous bercer par ce tempo d'Italie. Tout en pas chassé, vous gardez les mains sur les hanches. C'est la plus jolie des tarentelles de Napoli. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous emportez par cette danse, laissez-vous bercer par ce tempo d'une Italie. Tout en pas chassé, vous gardez les mains sur les hanches. C'est la plus jolie des tarentelles de Napoli. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Par cette danse, laissez-vous bercer par ce tempo de l'Italie. Tant pas chassé, vous gardez les mains sur les hanches. C'est la plus jolie des tarentelles de Napoli. Sa chanson. Mais les cœurs de tous les corps se battent pas avec plus de force, de chaleur. Quand s'élève la jeune sienne, que pour finir les regrets de tout son cœur. Aïe-a-cho, aïe-a-cho, au son des guitares, viennent filles et garçons. Aussi chanteur et sa chanson. Ayacho, ayacho, lui aussi chanteur et sa chanson. Arc-en-ciel. Voici donc du country, puis juste après du mambo. We'll be right back.

ficava tão feliz. O que, António? Ficava tão feliz. C'est aussi ça. voici donc la marche et puis juste après le passe-double. Moi

Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Tiens, la marche portugaise, ça c'est bien pour mettre l'ambiance. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Et puis juste après un autre morceau qu'on a pu écouter tout à l'heure avec La Fiesta. reine, ils sont à tes genoux. Carmen, jolie fille d'Espagne, fougueuse sévillane, tu rends les hommes fous. Et quand tu lances la cigarette dans les rues de Séville, tu as un succès fou. Les guitares de flamenco, le tasso et le fandango, et le son des toreros te coule dans les veines. Le cœur des lames fières d'une espagnole, un tempérament de feu, hardi, ardent et fougueux, un corps de braise, superbe et généreux. Là, les longs cheveux d'une gitane, un regard troublant qui nous déboussole. Elle est la reine des arènes, les matadors se déchaînent et risquent tout pour un petit rendez-vous. Les yeux dans les yeux, Carmen, charmante bohémienne, tous les garçons se plaignent, ils sont à tes genoux. Carmen, jolie fille d'Espagne, fougueuse sévillane, tu rends les hommes fous. Et quand tu danses la séguedille dans les rues de Séville, tu as un succès fou. Les guitares de flamenco, le passo et le fandango, Carmen. Sinon que la samba ait suivi le country. Voilà Novak Rica, cette chanson qu'on va tout simplement eh bien se quitter. Bientôt 10 minutes, c'est bien après c'est 16 heures. Eh bien l'émission touche tout simplement à sa fin. Voilà, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne après-midi en ma compagnie. On se retrouve tout simplement eh bien dimanche prochain. Tout simplement. Et bien sûr, l'accordéon, on se retrouve aussi mardi ainsi que vendredi, toujours à la même heure. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. C'est au bal musette

Fabienne Cruz. Cláudia Caramelo. Tradição do Luís Manuel. Clôture des festivités par les trois groupes de tambours aux bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je vais en tout. On compte sur vous. Une organisation Rádio Arc-en-Ciel. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no continente, céu temporariamente muito nublado no litoral, a norte do Cabo Raso, até meio da manhã, vento de sudoeste durante a tarde, na costa sul do Algarve, por vezes forte, na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial a partir de tarde. Para os vários grupos de ilhas dos Açores, a previsão aponta uma segunda-feira com períodos de céu muito nublado, com abertas, e na Madeira vamos ter céu pouco nublado limpo, com o vento a superar até meio da tarde, por vezes forte, nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira e com rajadas nas terras altas. Temperaturas a instantes, 25 graus no Porto, 31 em Lisboa, 33 aqui em Faro. Nas ilhas estão a esta hora 24 graus no Funchal e 22 em Ponta Delgada. Jornal com edição de Augusto Henriques. Portugal registrou o ano passado o maior número de ciberataques de grande impacto social e económico. Esta é uma das conclusões do relatório Cibersegurança em Portugal, Riscos e Conflitos, a que a Agência Lusa teve acesso. Teresa Correia. Os ataques informáticos visaram sobretudo a banca e os clientes foram as maiores vítimas. Seguem-se as infraestruturas digitais, educação, ciência, tecnologia e ensino superior. Dois terços dos ataques informáticos do ano passado afetaram entidades privadas, um terço instituições públicas. E-mails e SMS fraudulentos representaram 37% dos incidentes de cibersegurança, logo a seguir a distribuição de software nocivo. A violação de dados pessoais é outro problema. A Comissão Nacional de Proteção de Dados registou 376 casos em 2022, mais 15% do que em 2021. Tudo somado, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária abriu mais 6,7% de inquéritos de 2021 para 2022. A maioria relacionada com branqueamento de capitais, extorsão de dinheiro através de chantagem de cariz sexual. A Polícia Judiciária também investiga a paralisação de computadores e servidores através de software nocivo usada pelos piratas informáticos para depois pedirem resgates. Já a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de 2 mil denúncias, mais 83% do que em 2021. O Centro Nacional de Cibersegurança sublinha que estes casos protagonizados pelos piratas informáticos deram maior visibilidade ao tema na agenda política. Já este ano, os incidentes de cibersegurança diminuíram 38% nos primeiros três meses, comparando com o mesmo período do ano passado. Miguel Oliveira abandonou o Grande Prémio dos Países Baixos em MotoGP a 14 voltas do final da corrida. O piloto português falhou uma travagem, foi obrigado a passar pela escapatória, caindo para o décimo lugar da prova, situação que levou Miguel Oliveira, piloto da Aprilia, a acabar por desistir deste grande prémio, o 8º da temporada. A corrida nos Países Baixos foi ganha pelo piloto italiano Francesco Bagnaia em Ducati. Nos Jogos Europeus de Cracóvia, os portugueses Marcos Freitas e Fuyu apuraram-se para os quartos de final da prova de singular.